Alors, ça va pas. C'est pas à l'avantage de l'homme de se dévoiler. Si tu fermes ta gueule, l'homme va dire, mais il est pas compréhensible parce que là, on ne comprend pas trop. Il est opaque. Il n'y a pas moyen d'être cerné. C'est ça qu'il faut que l'homme sache. Moi, il y a plein de gens à Sainte-Adèle qui se demandent qu'est-ce que je fais parce que je semble ne jamais travailler. Je me lève le matin, je vais déjeuner au restaurant. Le soir, des fois, je vais au restaurant, je me balade, bababababababa. Alors, les gens qui ne me connaissent pas ont l'impression que je ne travaille jamais. Et ceux qui me voient arriver chez nous, bon, le gars, il est bien situé, il ne travaille pas. Et des fois, ils m'accrochent, ils me disent, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je dis, je me balade. Je leur dis exactement ce que eux autres ne comprennent pas de moi et ont l'impression, parce que rien ne leur a été expliqué. Je me balade. Alors, je ne paie pas d'énergie. Alors, quand ils me revoient, ils voient un monsieur qui se balade. Je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais là. Et dans un petit patelin, il faut faire attention. C'est pas comme en ville à Montréal, les petits patelins. Tu vas chez le coiffeur, il veut savoir quelle sorte de gomme tu manges. Plus l'homme se sert de son intelligence, plus il est obligé de cacher son jeu. Imaginez-vous si j'établissais avec ces gens dans la ville où je vis, ce que je suis réellement, ce que je fais réellement, on penserait capoté. Palais aux esprits. Ah, le type qui se promène, les types qui font du travail sur la route, ils diraient. Est-ce qu'ils me connaissent? C'est lui, là, il parle aux esprits, sa maison est hantée. Là, les histoires. Je demanderais à quelqu'un, vous venez chez nous, il ne voudrait pas venir. Et ça s'est déjà produit quand j'étais à Saint-Sauveur. Les gens ne voulaient pas venir chez nous parce que c'était apparemment une maison hantée. Pas à cause de moi, mais à cause de personnes que je connais qui avaient parlé. Aujourd'hui, vous avez encore le pouvoir, ou plutôt la capacité de parler à votre façon. Un jour, vous aurez plus ça. Lorsque vous aurez le pouvoir de la parole, vous parlerez ce que vous devez parler. À ce moment-là, il faudra que vous puissiez, de votre esprit, contrôler l'énergie de l'intelligence, et non l'énergie de l'intelligence contrôler votre esprit. Il y a une différence majeure. Là, vous êtes au stage où l'énergie de l'intelligence contrôle votre esprit. C'est pour ça que vous vous dévoilez, vous créez le bordel dans vos familles, dans votre environnement. Il y a des gens qui ont tellement parlé de moi dans une industrie que les types de l'Union, les foreman, ils ont fait une joke sur ces types-là. Ils ont mis une photo de moi avec Saint-Bernard, les gars qui étaient assis tout près. Ça leur a donné une leçon. Bernard-là. Quand tu as 6, 7, 8 gars dans l'industrie qui travaillent, qui sont venus dans un séminaire et qui rentrent dans l'industrie, ça en fait de l'énergie, là. Si vous ne contrôlez pas cette énergie-là, c'est évident qu'il va se créer des situations. Il ne faut pas se dévoiler. Alors, un jour, l'homme doit apprendre à contrôler l'énergie de son intelligence. Et ça n'est pas facile. Je vous assure que c'est pas facile. Parce que de l'intelligence, c'est une pulsation vibratoire. Et lorsque ça passe dans l'homme, ça crée une excitation dans le corps émotionnel. Automatiquement. Parce que l'homme vit cette énergie sur tous les plans. Et le corps émotionnel est très sensible. Ce que j'appelle de l'enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme. On vient de découvrir quelque chose. On vient de réaliser quelque chose. Il y a un enthousiasme. Et cet enthousiasme-là, qui fait partie de la conscience émotive de l'homme, se transmet en parole, et la première chose que vous dites quelque chose qui ne devrait pas être dit. C'est pour ça que de l'enthousiasme est si mauvais quand on se conscientise. qu'elle me regarde avec ses... son mental, ce qu'il dit. Il faut qu'il saisisse dans l'instantané ce qu'il dit. Il ne faut pas que ça parte d'ici vers là. Il faut que ça parte d'ici. Il ne faut pas que ça, ça soit impliqué. Très important pour vous. Vous êtes chanceux que je vous le dise. Ce qui dans l'avenir empêchera les hommes, non pas d'accepter, mais d'écouter les hommes qui ont quelque chose à dire, sera justement cet empressement qui vient de l'émotion. Un homme qui parle du mental, qui parle à partir d'ici, sera toujours écouté. Il ne peut pas ne pas être écouté. Mais s'il a moindrement quelque chose qui part d'ici, là-dedans, il ne sera pas écouté. Parce qu'il va dévoiler quelque chose de lui-même qui est dans l'émotion de ce qu'il dit. Il ne sera pas pris au sérieux. Parce que lorsque l'homme parle d'ici et qu'il parle d'ici et d'ici en même temps, c'est deux langages totalement différents. Totalement différents. Ça se compare même pas. Un homme qui parle seulement d'ici et un homme qui parle d'ici et d'ici, ce sont deux langages différents. C'est ça qui transforme la nature de la parole. Et au début, on est obligé de parler des deux points. Et un jour, on parle seulement d'ici. Et à ce moment-là, on est écouté. À ce moment-là, on peut faire des conférences, on peut parler à un public, on peut écrire des livres, on peut faire de la psychologie, on peut faire toutes sortes de choses. C'est énorme ce qu'on peut faire quand on parle d'ici. On peut travailler dans l'industrie, on peut faire toutes sortes de choses. C'est tellement important d'apprendre à ne pas se dévoiler qu'un homme, un jour, doit devenir secret. Et quand ils disent que l'homme doit un jour devenir secret, ils doivent devenir secret dans ce sens qu'il doit être capable de retenir les choses les plus importantes. Il y a des gens parmi vous demain qui auront le pouvoir, le psychisme tellement éveillé à cause des changements du système nerveux et des neurones, qui auront la faculté de préscience, qui pourront dire, ta belle-mère, elle va mourir la semaine prochaine. Mais il faut que l'homme puisse retenir cette conscience. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, vous comprendrez que plus j'avance, plus je vous parle, plus je vous crée des façons de voir, et que plus je vous crée des façons de voir, plus ce n'est pas comme ça. Comprenez-vous ce qu'il me dit? Comprenez-vous? Plus je vous parle, plus pour vous faire comprendre des choses, c'est pour détruire votre psychologie. Et quand votre psychologie sera détruite, le réel, ce ne sera pas comme je vous l'ai parlé. Autrement dit, ce que je vous dis, c'est pour vous amener à ceci. Alors, ce que je vous dis, c'est simplement un avertissement pour votre esprit. C'est une lumière rouge pour votre esprit. Alors, dans ce que je vous dis, les mots dont je me sers pour vous expliquer sont suffisamment justes pour qu'il se fasse un transfert entre votre intelligence subjective et votre intelligence réelle, ce qu'on appelle le travail. Alors, c'est pour ça que je vous parle. Bon. Mais quand vous serez dans votre intelligence, quand le travail sera fini, ce que je vous aurai dit quand vous le regarderez dans le passé, ce ne sera pas nécessairement faux, mais ce ne sera pas comme ça. C'est comme le phénomène de l'intelligence. On parle de l'intelligence, on parle du contact, papa. Mais moi, je sais très bien que de l'intelligence, ça ne vient pas de l'ajusteur de pensée. L'intelligence, ça vient de la capacité à l'esprit de l'homme d'absorber l'énergie de l'ajusteur de pensée. Il y a des gens qui s'imaginent que puis tu parles, puis tu peux pas, puis tu parles. C'est pas de même, ça marche. De l'intelligence, c'est la capacité à notre esprit de réagir à l'énergie de cette intelligence. C'est ça qui crée de l'intelligence. Et si vous fonctionnez dans votre tête, à ce moment-là, c'est une communication télépathique entre vous et lui, d'accord? Mais si vous fonctionnez dans le monde, si vous écrivez des livres, si vous parlez en public, l'intelligence que vous manifestez, c'est votre capacité vibratoire de recevoir l'énergie de cette intelligence. De sorte que votre intelligence sera toujours votre intelligence et non jamais l'impression que vous pouvez avoir que c'est l'ajusteur de pensée qui vous parle. C'est pas l'ajusteur de pensée qui vous parle. C'est que votre esprit est ajusté à son énergie. Lui, il est énergie. Et ça, ça devient de l'énergie. Et ça, c'est important pour nous autres de comprendre ceci, parce que on doit un jour réaliser, les hommes, que être humain dans le sens de l'homme complet, c'est une condition fondamentale de la réalité. De quoi? Croteau. Ah, je t'ai parlé du mauvais côté de l'oreille, ok. C'est parce qu'il ne comprend pas de ce côté-là. Être un homme complet, c'est une condition fondamentale. Ah oui. Être un homme complet, c'est une condition fondamentale de quoi? De plus en plus soi-même. Bon, c'est ça. Être un homme complet, c'est une condition fondamentale d'être de plus en plus soi-même. Et être de plus en plus soi-même, c'est être de plus en plus capable de descendre sur le plan matériel, sur le plan de la vie matérielle, cette énergie qui fait partie de l'intelligence de l'ajusteur de pensée, de ce qu'on appelle l'intelligence de l'ajusteur de pensée. Mais ce n'est pas l'intelligence de l'ajusteur de pensée, c'est l'énergie de l'ajusteur de pensée. Ah. Être de plus en plus soi-même ici, c'est être capable de descendre cette énergie-là ici. Alors, ce n'est pas un phénomène de communication télépathique. La communication télépathique, elle existe quand on parle avec lui. Mais il y a une autre chose, c'est que quand on parle avec lui, on parle avec soi-même. Mais on parle avec soi-même d'une façon qui est tellement... excusez, je me nettoie le nez, là, ça pique. Être avec soi-même, c'est une condition qui est tellement éloignée de notre faux soi-même qu'on a l'impression de parler avec quelqu'un. Comprenez-vous ce que je veux dire? On est tellement loin de nous-mêmes, là, nous autres, là, qu'aussitôt qu'on parle, qu'on a une communication télépathique dans notre mental, on a l'impression de parler avec quelqu'un, mais dans le fond, on ne parle pas avec quelqu'un, on parle avec soi-même. De sorte qu'il se produit une chose, qu'on réalise un jour quand on est complété. On réalise un jour que, et ça, c'est d'ailleurs une des plus grandes réalisations que connaîtra l'humanité de la sixième race. C'est ça la fin du cycle. À la fin du cycle, sera reconnu sur la Terre des hommes qui sont totalement fusionnés. Autrement dit, cette énergie descendra dans la forme humaine. Et les hommes qui recevront cette énergie dans la forme humaine ne seront plus dans la forme humaine eux-mêmes. Ils seront dans l'éther. Et c'est cette énergie qui manipulera les corps physiques. De sorte qu'il y aura sur la Terre des hommes qui seront, et là je l'emploie d'une façon entre parenthèses, et je voudrais qu'on n'en parle jamais parce que c'est jamais ça que je veux dire, mais dans un langage extrêmement précis, ce que je veux dire, c'est que ces êtres, cette hiérarchie, cette énergie descendra sur la Terre. Et l'homme ira dans l'éther. Comprenez-vous l'idée? Ces êtres descendront sur la Terre, prendront contrôle de la forme humaine, prendront contrôle de tout l'homme. L'homme sera pouvoir sur la Terre. La forme. Et l'homme lui-même sera dans l'éther. De sorte que viendra un moment où la personnalité de monsieur un tel, ce ne sera plus monsieur un tel. Ce sera cette énergie dans monsieur un tel qui sera le pouvoir sur la terre, et monsieur un tel, lui, son esprit sera dans les terres. Alors, quand on parle de la descente du Christ, quand on parle de la conscience christique, c'est ça. C'est que cette énergie descendra dans la forme et alimentera cette forme, et l'homme sera pouvoir sur la terre. Mais l'homme, aujourd'hui, dont l'esprit nourrit la forme, sera dans les terres, demain. Je ne peux pas vous en dire plus long que ça, pour le moment. Mais la raison pour laquelle je vous explique ceci, c'est pour vous faire convenir éventuellement de la réalité de l'homme et de vous faire réaliser que l'homme ne sera jamais ce qui est sur la terre. Que l'homme sera ce qui est dans l'éther. Et que ce qui est sur la terre sera quoi? Ça sera changé complètement pour l'esprit qui descend. Pour l'esprit qui descend. Ça sera simplement un véhicule. Un véhicule pour l'esprit qui descend. Et la raison pour laquelle je ne m'avance pas trop dans ceci, c'est parce que l'homme doit petit à petit, au cours de la génération qui vient, s'habituer à ne pas se prendre pour un homme, parce que l'homme n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. L'homme est ce qu'il sera demain dans l'éther. L'homme n'est pas ce qu'il est aujourd'hui ici. Nous ne sommes pas aujourd'hui des arbres, dans le sens que nous le serons demain. C'est pour ça que j'ai fait une différence entre homme et être humain. Et la relation entre ces formes animées par cette énergie demain et l'homme qui sera dans l'éther, cette relation sera totale. C'est-à-dire que l'homme dans l'éther se servira de quoi? Il se servira de l'intelligence de l'éther. Et ce qui est ici, sur le plan matériel, conviendra à la manifestation de cette intelligence dans l'éther. Il y aura une relation étroite entre les deux. Et ceci a été caché à l'homme parce que l'homme devait d'abord comprendre la nécessité de réaliser que lorsqu'une civilisation tire à sa fin, toutes les lois de cette civilisation sont neutralisées. Alors, quand toutes les lois d'une civilisation, surtout une civilisation qui est ascendante, en contradistinction avec une civilisation qui est descendante, comme les civilisations qu'on a connues dans le passé, toutes les lois sont suspendues. C'est pourquoi les hommes, au cours de la génération qui vient, ceux qui se conscientisent et qui vont de plus en plus vers l'éther, perdront la capacité, la faculté, la nécessité psychologique de se dévoiler à l'homme, parce qu'un jour, ils ne pourront plus se dévoiler à l'homme. Parce qu'un jour, ce qu'ils seront, ce qu'ils sauront, ne pourra plus être parlable. Tant que ce que vous savez est parlable, vous avez tendance à vous dévoiler. Mais un jour, ce que vous saurez ne sera plus parlable, vous ne pourrez plus vous dévoiler. Ils vont rentrer à grande basis. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence dont vous vous servez, c'est l'intelligence de votre émotion et de votre intellect. C'est ça qui vous permet de vous dévoiler. Mais demain, vous ne pourrez pas vous servir de cette intelligence-là. Demain, vous vous servirez d'une intelligence qui n'a jamais été émise sur le globe terrestre. De sorte que vous ne pourrez pas, quand vous vous servirez de cette intelligence-là, vous dévoiler. Vous serez obligé de garder en vous-même ou de parler avec des gens qui sont sur votre longueur d'onde. Sinon, vous ne serez jamais compris. Vous serez même ridiculisé. Parce que vous serez amené petit à petit à ne pas pouvoir donner d'explication à ce que vous savez. C'est-à-dire que vous ne serez pas capable de rendre ce que vous savez. Et si vous n'êtes pas capable de rendre ce que vous savez, vous serez obligé d'attendre de le rendre à d'autres ou avec d'autres qui seront sur votre longueur d'onde. Moi, je suis dans votre milieu, je suis avec vous, et déjà, j'ai de la difficulté à rendre ce que je sais. Lentement, je rends. Là, je viens de rendre, tout à l'heure. Je rends lentement ce que je sais. Alors, imaginez-vous dans un public qui n'est pas averti. Vous ne pouvez pas rendre ce que vous savez. Alors, si c'est difficile pour moi de rendre ce que je sais dans un public qui est averti, imaginez-vous comment c'est dans un public qui ne l'est pas. On a la fausse impression quand on se conscientise au début, ou quand on est spirituel, mais là c'est de passer un peu, mais quand on se conscientise, on a la fausse impression que l'intelligence vient de la lumière. L'intelligence, elle ne vient pas de la lumière. L'intelligence ne vient pas de la lumière. L'intelligence, c'est dans l'éther, l'intelligence. C'est dans l'éther. Ça fait partie de l'éther. L'éther, c'est de l'intelligence. L'éther, c'est un médium d'intelligence. Quand vous êtes dans l'éther, vous êtes dans l'intelligence. Comme quand vous êtes sur le plan matériel, vous êtes dans l'espace. Quand vous êtes dans l'éther, vous êtes dans de l'intelligence. L'éther, c'est de l'intelligence. L'éther, c'est une sphère d'intelligence. C'est rien que de l'intelligence dans l'éther. Rien que ça. C'est de l'intelligence. Alors, il y a une partie de l'homme qui est dans l'éther, de là son intelligence. Mais un homme ne peut pas être dans l'éther et dans la matière trop longtemps. À un certain moment, il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il reste dans l'éther et que l'énergie prenne contrôle du corps matériel. Il faut qu'il y ait une séparation à un certain moment. Parce qu'un homme ne peut pas vivre dans l'intelligence trop longtemps sur le plan matériel. Parce que ça devient une souffrance, ça devient trop fatigant, ça devient trop épuisant. Parce que son corps astral ne peut pas le nourrir. Et son corps mental le nourrit trop. À un certain moment, il faut qu'il y ait une séparation des corps. Il faut qu'il utilise un autre véhicule. Il faut qu'il change d'espace, de dimensionnalité, de dimension. Alors, c'est pourquoi, pour revenir au phénomène de se dévoiler, c'est très important que l'homme apprenne lentement à ne pas se dévoiler, pour que demain, lorsqu'il entrera de plus en plus dans l'éther de l'intelligence, il puisse conserver en lui cette énergie, au lieu de la diffuser et se faire ridiculiser. C'est pour votre protection que je vous dis ça. Demain, contre l'homme. N'imaginez-vous pas que dans 10 ans, que dans 15 ans, vous allez être comme vous êtes aujourd'hui. La seule chose qui permet à l'homme aujourd'hui qui se conscientise de pouvoir supporter la conscientisation, c'est le fait qu'il n'est pas trop dans l'éther. Si vous étiez trop dans l'éther, vous souffririez. Vous chercheriez une dislocation. Vous chercheriez une bilocation. Vous chercheriez une séparation. Vous chercheriez un monde autre. Et il y en a parmi vous qui souffrent de ça. Il y a toujours une synchronicité dans le temps que je parle et le temps de ce que je dis. Il y a toujours une synchronicité. Et la difficulté de vivre de plus en plus dans la matière et dans le mental, pur, fait partie de la séparation du corps matériel et du corps éthérique. C'est ça qui crée la séparation du corps matériel et du corps éthérique. Et ceux qui souffrent le plus de ceci sont ceux où le travail se fait de plus en plus. C'est pourquoi le phénomène, l'explication du phénomène de pas se dévoiler a plusieurs facettes. J'en parle pour que ça vous serve sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan vibratoire, sur le plan de votre réalité mentale. C'est important parce qu'un jour, vous devez être capable de vivre l'intensité du mental qui ne se dévoile pas, dont les profondeurs ne se dévoilent pas, et votre réalité humaine qui équilibre entre les deux. Pour que vous puissiez développer le cerveau éthérique, c'est ça qui vous amène à développer le cerveau éthérique, de pouvoir garder intérieurement ce que vous savez. Imaginez-vous le type qui découvre quelque chose, qui découvre une grande fortune enfouie d'un bas de laine, pour lui de garder ceci, c'est pas facile. Mais s'il pouvait le garder, ce secret-là, la fortune deviendrait encore plus grande. Parce qu'en le parlant, sa belle-mère va en vouloir. Son beau-père va en vouloir. Ses enfants vont en vouloir. La première chose, sa fortune, elle va être divisée de deux. Mais s'il le gardait dans sa tête, automatiquement, l'énergie de son intelligence travaillerait. Et éventuellement, il trouverait des façons de faire fructifier cette fortune. C'est comme ça que ça marche, l'intelligence. Plus on est capable de garder intérieurement ce qu'on sait, plus on engendre dans notre cerveau éthérique de la force. Et automatiquement, plus on augmente le pouvoir de notre propre intelligence, et plus la séparation des corps se fait. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que sur le plan bien humain du phénomène de se dévoiler à soi-même, il est temps que les gens commencent à comprendre l'importance de garder pour eux-mêmes certaines choses. Ça fait partie de la conscientisation de l'homme, ça fait partie des clés, ça fait partie des points de référence, ça fait partie des lois vibratoires du développement du cerveau éthérique humain. Vous ne pouvez pas être des tapettes hawaïennes toute votre vie. Je me rappelle quelque chose que ma femme me disait il y a plusieurs années. Elle disait... Ben ouais, ben beau d'intelligence. Puis parler. Mais qu'est-ce que ça te donne? Elle me disait ça. Qu'est-ce que ça te donne? Elle disait, ça vaut rien. Non, je disais, c'est pas le temps. Elle attendait, comme moi j'attendais. Mais elle avait raison. Qu'est-ce que ça te donne? Parler de ça, puis tout le monde à la maison, puis tout le monde à la maison, puis tout le monde à la maison, puis tout le temps à la maison, puis la maison pleine de manque. C'est que ça donne? Vas-y, il est temps que ça te serve, là. 7 ans. Ah, mais j'étais encore 3 ans. Elle avait raison. C'est que ça donne? Puis ça, c'est très subtil. Là. Quand vous réaliserez, qu'est-ce que ça donne? De dévoiler, puis dévoiler, puis parler, puis parler de ce que vous savez, puis de ce que vous sentez. Puis quand vous réaliserez ça, c'est là que vous commencerez à bénéficier de votre intelligence. En attendant, vous vous donnez l'impression de savoir. Vous vivez de l'impression que vous savez et vous êtes dans l'impression de savoir. Et l'impression de savoir que vous avez vous permet de vous canaliser un peu votre énergie qui est de plus en plus grande. Mais un jour, la ballonne elle va devenir de plus en plus tight, puis de plus en plus tight, puis de plus en plus tight, puis de plus en plus tight. Mais quand elle va éclater à ce moment-là, votre intelligence va vous servir. Dans quelques domaines de vie que vous soyez, elle va vous servir. Il faut qu'elle vous serve un jour, votre intelligence. Si elle vous sert pas, normalement. À ce moment-là, vous êtes mieux avec votre intellect. Ou même avec votre intellect, vous pouvez avoir un job. Vous pouvez compter des chiffres. Travailler chez Tune. Mais un jour, votre intelligence, il faut qu'elle vous serve. Puis elle ne nous sert pas quand on veut. Elle nous sert quand on est capable de la subir totalement. Puis subir notre intelligence totalement, c'est être capable à un certain moment dans le temps de détruire, ce qu'elle nous empêche de faire avec. Ça, ça veut dire la crainte, l'inquiétude, la limitation psychologique, notre limitation psychologique. Tant qu'on a une limitation psychologique, on ne peut pas servir de notre intelligence. C'est la seule chose qui vous empêche de vous servir de votre intelligence. C'est votre limitation psychologique. Votre limitation psychologique, un jour, il faut qu'elle saute. Quand elle va sauter, votre limitation psychologique, vous allez être dans votre intelligence, vous allez faire quelque chose avec. Ça, n'importe quoi. Ça, des inventions, n'importe quoi. Mais tant que vous serez limité par votre limitation psychologique, vous ne pourrez pas vous servir de votre intelligence. Vous allez dévoiler un petit peu ce que vous savez, ce dont vous avez l'impression de savoir. Mais vous ne vous servirez pas de votre intelligence. Elle se servira de vous. C'est-à-dire que c'est l'énergie de l'ajusteur de pensée qui se servira de vous. Un jour, vous serez obligé de vous servir de l'énergie de l'ajusteur de pensée pour que vous puissiez bénéficier de votre intelligence. Parce que sans son support vibratoire, vous n'êtes pas capable de vous servir de votre intelligence. C'est son support vibratoire qui vous permet de vous servir de votre intelligence. C'est pour ça qu'on a l'impression que l'ajusteur de pensée, c'est notre intelligence. C'est pas notre intelligence, l'ajusteur de pensée. Mais c'est le support vibratoire de notre intelligence. L'ajusteur de pensée, c'est l'énergie de l'éther. L'éther, c'est un monde d'intelligence. Bon, il y a une partie de nous autres qui est dans l'éther. De plus en plus dans l'éther. Mais le support vibratoire de cet éther-là, c'est lui. Mais un jour, il faut qu'elle se serve à l'homme, cette affaire d'intelligence. C'est bien beau parler, puis parler, puis parler, puis parler. Mais si vous parlez, vous ne faites rien avec ce que vous dites. Si vous parlez, puis ça ne vous donne rien, ce que vous dites. Si vous parlez, rien que pour aider les autres, ça ne vaut pas la mort. Si tu parles, puis t'aides les autres, puis tu t'aides en même temps, là, ça vaut quelque chose. Mais si tu parles, tu fais qu'il y a des autres, puis ça te donne rien, toi, dans la vie, ça t'équilibre pas, ça te donne rien, ça vaut rien. Là, vous êtes des missionnaires. Là, vous voulez sauver le monde, vous voulez sauver les autres, vous êtes en mal. Il y en a qui font ça pendant toute la vie, pendant des années de temps. Ils sauvent tout le monde. Plus ils sauvent les autres, plus ils s'enracinent dans une sorte d'inertie, puis éventuellement, ils sont malades, ils sont ternes. Ils viennent gros. Ou ils viennent maigres. Ils se découragent. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas de leur intelligence pour eux autres. L'intelligence, faut que ça serve pour toi. Si c'est créatif, ça va aider les autres anyway. Mais faut que ça serve, faut que ça te serve. Si ça ne te sert pas, c'est évident. Tu vas amener les autres à une certaine conscience, puis tu vas les aider, patati patata. Mais un jour, elle va péter cette balloune-là. Puis quand elle va péter, mais c'est à ce moment-là que vous allez vous servir de votre intelligence. Parce que votre esprit contrôle l'énergie de l'ajusteur de pensée. In the meantime, ce que vous faites, ça lui permet de descendre. Lui. Il y a un temps, tu n'as plus un casque qui descend. Toi, tu veux monter. C'est ça la différence entre la spiritualité et les religions. C'est ça la différence entre les maîtres et Bernard Morel. Les maîtres et maîtresses. C'est la différence entre moi et tout le monde. Je ne m'intéresse à tout le monde. Je ne m'intéresse au monde. Je ne m'intéresse au maître. Je ne m'intéresse à personne. Je ne m'intéresse à rien. Je ne m'intéresse rien qu'à vivre. Mais à vivre d'une façon qui me convient. Ça, c'est ça du centrisme. C'est ça, se servir de son intelligence, ainsi de suite. Donc à ce moment-là, les gens bénéficient. Les gens grandissent. Les gens apprennent des choses. Mais il faut que les gens en retour, eux autres, en arrivent à faire la même chose. Moi, je commence le bal. Un jour, il faut que vous le continuiez, le bal. Sans ça, vous allez être pogné dans le bal. Là, vous allez rouler une maudite chatte. Moi, je peux vous parler pendant 100 ans. Je n'aurais même pas commencé encore. Fait qu'un jour, il faut que vous autres, vous puissiez aussi bénéficier de votre intelligence comme moi, je bénéficie de mon intelligence. Puis comme tous les hommes doivent bénéficier dans le temps de leur intelligence. au lieu de faire bénéficier les autres de l'impression de notre intelligence, de l'impression qu'on est intelligent puis qu'on sait quelque chose. Et ça, tu peux pas forcer le temps. Tu peux pas forcer le temps. Tu peux pas servir ton intelligence avant le temps. Il y a un temps pour ça. Ça, c'est définitif. Il est là pareil. Fait que c'est pour ça que l'affaire de se dévoiler, quand je parle de dévoiler, c'est bien général. Quand je dis parle de dévoiler, je parle de parler aux autres. Parle au monde. Puis un jour, vous allez parler au monde. Puis un jour, vous allez avoir plein de cul de parler au monde. Puis un jour, là, vous allez parler, mais il va y avoir un équilibre. En parler ou faire. Faut que ça vous rapporte votre intelligence un jour. Si ça vous rapporte pas, c'est pas de l'intelligence, c'est l'impression d'être intelligent. Laisse-moi dire, gratuitement dans ton intelligence, c'est une déchirure. C'est une déchirure dans ton être. Il n'y a plus d'insécurité. Il n'y en a plus. C'est une déchirure. C'est comme si tu rentres dans le monde, puis paf, t'es la loi. Bang, tu l'étais bien la loi. C'est comme ça être dans l'intelligence. T'es la loi. T'es une partie de cette loi-là. Tu l'établis de même. C'est final. Là, ça fonctionne. En attendant, mais tu travailles chez Eaton. Ben, un jour, tu peux plus travailler chez Eaton. Un jour, tu construis ton propre Eaton à toi. Mais rendu à ce point-là, tu te dévoiles plus. Il t'agit. Mais c'est pas facile, ça. Hein, Credo? Ça en est un qui est. Qui est en gestation, pas précis. Mais quand tu vas commencer, genre qui commence. Parce qu'un jour, les hommes conscients doivent être capables de gérer leur vie à partir de leur intelligence. Non pas vivre à l'intérieur d'une vie qui est toute construite selon les lois sociales du passé, mais se créer une vie d'après leur intelligence. L'intérêt vital que je parle. Puis une des grandes conditions là-dedans, c'est d'apprendre à ne pas vous dévoiler. Puis c'est dur à comprendre, ça. Parce que moi aussi, j'essaie de le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pas se dévoiler? Je peux le comprendre même vibratoirement dans sa finesse. Je suis pas capable de trop l'expliquer avec des mots. Je fais de mon mieux. Ils disent que quand tu te dévoiles plus et que tu parles, tu détruis l'ordre ancien automatiquement. Tu élèves un ordre nouveau. Tu guéris l'esprit de l'homme. Mais il faut pas que tu te dévoiles. Aussitôt que tu te dévoiles un petit peu, aussitôt que tu as l'impression, un petit peu, d'être intelligent. D'être dans l'intelligence. T'es pas capable de le faire. Mais quand tu l'as plus, ça là, pis t'es plus capable de te dévoiler, que t'as plus de réflexion pendant tout, là, pis tu parles à l'homme, tu guéris son esprit. Tu peux pas ne pas guérir son esprit. Impossible. pas insulager son esprit, le guérir. Ça veut dire lui faire comprendre comment ça marche, Terre. C'est ça qui va créer dans le monde les écoles, les fameuses écoles que je parle, les nouvelles écoles. Il va se créer des écoles dans le monde, avec le temps. Ceux qui vont venir dans ces écoles-là, quand ils vont sortir de là, ils seront plus pareils. Pour ne pas se dévoiler, il faut avoir conscience ferme, que chaque mot qu'on dit, vient de notre intelligence, est réel. Chaque mot qu'on dit. Il faut que tu puisses magnétiser l'esprit de l'homme, le magnétiser complètement. Tellement qu'il n'est pas capable de penser. Sans ça, c'est dilué un petit peu, puis ça le rationalise. Oui, mais... Là, c'est le fun d'être dans l'intelligence. Là, c'est le fun de vivre sur la Terre. Parce qu'aussitôt que tu vibres, aussitôt que tu fonctionnes, tu fais quelque chose qui te sert dans ton équilibre et qui crée un nouvel équilibre dans le monde. Même si t'as une petite échelle, c'est un équilibre dans le monde. Donc, toi, t'es bien... Le reste devient mieux. Je sais, moi, qu'à la fin, tu sais que ça va être terrifiant pour l'homme, ce que l'homme va connaître d'expérience. Ça va être terrifiant parce que l'homme va penser, il va croire que ce qu'il voit, c'est ça, puis ça ne sera pas ça, ça va être autre chose. Je regarde les textes ésotériques et les textes occultes qui viennent de différentes sections du globe. Puis on a toujours l'impression, écoute-la bien celle-là, on a toujours l'impression qu'à la fin du cycle, il y a du monde qui vont venir d'ailleurs ici. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Il n'y a personne qui va venir d'ailleurs ici. Parce que ça n'existe pas ailleurs. C'est déjà ici. Mais comme les gens vont penser que ça vient d'ailleurs, ils vont friquer dedans. S'ils savaient que ça vient d'ici, ils comprendraient autre chose. Les gens vont penser que ça va venir d'ailleurs. Ça, c'est l'influence astrale. Les extraterrestres. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, ce phénomène-là, un jour. Plus j'avance dans le temps, plus des fois je me demande si c'est pas moi qui ai capoté. Savez-vous quand est-ce que je me demande si c'est moi qui n'ai pas capoté? C'est quand je commence à dévoiler. Quand je commence à dire ce que je sais, là je me dis peut-être que c'est moi qui ai capoté. Savez-vous pourquoi? Parce que dans cette expérience-là, je m'aperçois d'une chose. Je m'aperçois qu'on vit dans un univers tridimensionnel.